qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien oui, monsieur le président, en direct de la station CKRL, pas très aimant. En tout cas, je me remémore les beaux souvenirs lorsque je faisais ça en ondes en direct. C'est un moment très émotif. Faut dire que je reconnais ma belle petite console. Hein. Quelle se console, me revoilà. Hein? Ah, ok. Monsieur le Président, oui, monsieur n'est pas trop catholique, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance Reynoldienne. Oui, bienvenue à la douce finalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynoldienne. À quoi bon faire cette émission? Et ça, il faut se le rappeler continuellement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne. Hey, t'as-tu passé quelque temps en dehors du pays? Non, non, c'est le pays qui est passé pendant quelque temps en dehors de moi. Oh! Oh là là là là! Et puis? Oh mon Dieu! Comme le chantait l'autre, j'étais un saoul inconsolable. Lors de mon retour, j'étais un saoul inconsolable. Il m'a envoyé de la gouttelette là, au compte de la goutte. T'as pas rencontré le compte de la goutte? Oui, monsieur. Il l'avait au nez au début. Ensuite, je me suis rapproché et je l'ai eu dans le verre. Oh! Le compte de la goutte dans le verre! Oui, monsieur, c'est comme l'autre, là. Comment il s'appelle? Mes caracas, mon Jean-Luc! Mes caracas sont partis! Sont partis! J'ai oublié ça sur la table de cuisine. Ah, mon Dieu! C'est le Québécois, donc un Eastern, Western, et pas un American. Mais je sais où je suis rendu. Alors, l'absurde aventure, j'ai comme... Où sont mes petites... au moins, j'ai le sombrero. Regarde. Eh, mais t'as le sombrero fatigué. Ah, ben oui, ben là. Monsieur. Au moins, il est là présent. C'est un son clair. Oui, chante la claire. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Reynald Gagné. Ouais, puis à part ça, ah, ben oui, ça s'est bien déroulé, hein. Je peux pas dire là, que le tapis rouge, hein, s'est présenté devant moi et j'ai pilé à l'extérieur, moi. Comment ça? Ben, je voulais pas le salir, hein, auprès de toutes les grandes ce monde qui allaient fouler. Ah, mon, ben, moi, en déroulant, je me suis foulé le poignet. Ben, oui, mais là, c'est pas le même foulage, voilà, là. C'est marcher sûr. Fouler, c'est marcher sûr. Marcher sûr, ben, marcher sur le tapis! Hey, rouge de même, là! Moi, regarde, j'ai des... Examine-moi le soulier! Ah, mon Dieu! T'as-tu visité une ferme dans les 10 dernières journées? Oh, oui, moi, c'était de la bonne ferme. Hey, je rentre là, je me mets à chanter, l'autre, il me dit, hey, la ferme! Ben oui, on est ici, c'est là, ça se prépare, ça se produit ici. Où sont les poulettes? Ah, bon, ben là, ça dépend, là. La grise est dans l'église, la verte est la poule verte. Et dans l'OVNI? Et t'as les moineaux dans l'OVNI? Ah, ben, il y en a-tu de la poule verte ici? Ah! On a voulu m'agencer le cheveu avec la poule. Parce que j'ai dû ramener la poule, moi, là. Yeah. Je voulais pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. Et j'étais n'importe quoi. Donc, monsieur n'importe qui, lui, il est parti bredouille. Et monsieur n'importe quoi, c'est-à-dire moi-même, Reynald Gagné. Là, quand on m'a dit monsieur, je me sentais pas interpellé. Comment ça? C'est pas, moi, c'est... Je me vois déjà... Tu sais qu'on on dit au genre humain, là, les psychologues, les titis, les tis, les plus sont tis, plus sont psychologues. Alors, les titicologues nous disent, on s'est bloqué, nous, genre humain, à un âge précis, dans notre cortex cérébral. Oh, mon Dieu, puis toi, c'est quel âge? Ah, moi, c'est 14-15 ans, moi. Moi, je suis bloqué à 14-15 ans. Oh! Il va-tu nous chanter une petite chanson de Jean Lapointe? Ah, oh, mais non. Quoique, c'est pas l'envie qui me manque. Ah ouais, un petit Jean Lapointe. Ah, c'est... on n'a pas le public pour ça. Non, non, là, les oreilles sont pas aussi attentives pour un Jean Lapointe. Mais voyons! Voyons donc, toi là, là! On te reconnaît plus, t'as changé. Ah oui, ça paraît tant que ça. Ben oui, ça paraît. On dirait qu'il y a une petite gêne au niveau de la, du cuir chevelu. Oh, aujourd'hui... Pardon? Hey, on vous entend plus. T'as bien changé, on te reconnaît plus. Ben oui, arrête de me dire ça, toi, là. Tu veux me faire vivre un traumatisme? Et les traumatismes, ça fonctionne pas avec moi. Aujourd'hui, le vendredi 15 juillet 2011, l'errance... Oui. Ah oui? Ah ben merci. J'espère que j'ai évolué. Ouais, mais toi, t'es... t'es un des seuls à évoluer vers le bas. Ah ben mais non, je connais du bon québécois, du bon francophone, moi là qui, au contraire, sont vers le bas. Oh mon Dieu. Plus amis avec les intras que les extras. Ah, oh, et quand j'appelle pour ma pizza, là, on me dit pas, veux-tu un extra, on dit, veux-tu un intra, ben, s'il vous plaît, là, si vous placez en dessous de la croûte du bon fromage, épicé, légèrement épicé, plus t'en mets, plus c'est bon, plus c'est épicé bon, épicé, ah, bon, ça risque d'être long ce soir, là. Et puis c'est ça, ça finit de même, là, il n'y a pas d'autre humour à travers ça, c'est longiligne et sans double sens. Ah ouais, ben là, pourtant tes idoles riment avec un double sens, tous tes grands poètes, Gaston Miron, ah bon, Gaston dans le double sens, là, ah, saviez-vous que Gaston était professeur de poésie? Celui qui a fondé l'Hexagone, là, pas celui de Renaud, mais l'Hexagone, les éditions Hexagone. Et puis donc, et mon doute, ouais, c'est les éracoules. Ouais, je sais pas pourquoi, là. C'est parce que t'as fait et, puis en faisant le et, t'as pas expiré, t'as inspiré. Et c'est pour ça que, oh, tout est comprenable. Si on nous regarde, si on se façonne, puis on examine ce que l'on fait, tout est comprenable. Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le vendredi, qu'est-ce que tu voulais dire? Coliche! Il y a un blanc de mémoire, Coliche! De quoi voulais-tu parler, là? Oh, ben là, la couliche est en train de s'essuyer. Oh, c'est bien quand elle s'essuie la couliche. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le vendredi 15 juillet 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Quoique... En ce 15 juillet, l'école, ça doit pas trop te déranger, mon petit cube au doigt. Ben oui, l'école, j'ai été davantage, mon petit champion, dans l'école de Lévis que dans l'école tout court. Et puis l'école tout court, ah bon, ça c'est tout, ça finit tout court. Hey, troisième année, là, j'en ramais encore avec les lettres alphabétiques. Ah, j'ai arrêté à Z, puis je pouvais pas aller plus loin. Ben, monsieur petit cube au doigt. Oui! Ticu? Oui! Est-ce bien vous? C'est bien moi, Ticu Baudouin! Ben, M. Baudouin, ça arrête à Z. Z, ben, ABCD, là, puis la fin, c'est Z. Oh! Vous en connaissez jusqu'à, vous? ABCZ! Non, j'ai dit ABC, DEF, et ça se termine par Z. Oh, tabarouin! Vous êtes limité! Ben non, pourquoi? Ben, il y en a 26! 26, ouais. Vous avez dit juste, vous en avez dit 5! Ben oui, ben, c'est parce que je ne commençais pas devant les auditeurs de CKRL à faire la nomenclature hein, de toutes les lettres. Tout le monde le sait, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai arrêté à très peu de mots, parce que à très peu de lettres, parce que je n'avais pas beaucoup de mots dans mon vocabulaire. Ben, c'est déjà bien, monsieur, aujourd'hui, avec vous exprimez. Oui. Je m'exprime. Alors, laissons sur la chaussée. On l'a dit. Et pour nous envelopper, au moins, tu t'en rappelles, c'est bon. Pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la créatrice Anaïs Kael, qui est une chanteuse également. Anaïs Kael se veut une jeune femme presque comme les autres, à la sensibilité un peu plus exacerbée que la moyenne, et avec une voix d'ange. Elle découvre l'art dramatique, puis le piano, qui devint son mode d'expression privilégié. Pourtant, sous la pression de son entourage, elle entame de longues études de commerce qui la minent. Elle voulait pas faire ça! Ça, c'est son popo pis sa maman qui ont dit « Si tu veux faire quelque chose dans la vie, là, fais des études. Après, si tu veux, lors de ton côté adulte de ton existence, faire ce que tu veux, oui, il n'y a pas de problème, mais au moins, aie une base. » Les gens ont peur des artistes, hein? Ah, les parents. « Je veux pas que fasse un artiste, il fera pas de l'argent. » Il va être tout le temps dans la relève, il ne se relèvera plus. C'est un chômeur éventuel.

comme vos sorts pourris, hein. Eh, quand je descends en Alsace, col de Saverne, toujours en marche arrière, hein. Tu sais pourquoi? Pour partir plus vite. Quelle est la différence entre un Mosellan et du chocolat? Eh ben, eh, le chocolat, ça constipe. Et les Mosellans? Ben, il nous fait chier. Et c'est quoi un Alsacien dans le lac de Xonruplongemer? La pollution, gars. Bah ouais, c'est dégueulasse. Et c'est quoi tous les Alsaciens dans le lac de Gérardmer? La solution! Quelle est la différence entre un Lorrain et une église? L'église est consacrée. Ah ben, Laura est sacrée con. Quelle est la différence entre un gars de Schirmeck et un gars de Saverne? Bah, je l'ai pas. Moi non plus. Doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Im Regenflug warten. Wenn du kommst, kommst du mit Licht. Du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck. Liest mich laut, damit auch ich mich. Herren kann. Wenn du gehst, fragst du, wer von uns beiden glaubst du? Ist der Geliebte? Wer von uns ist der Geliebte? Ist der Thank you. J'ai rectifié tout ça. T'as enlevé tes bouchons? J'ai enlevé mes mouchons. Ah, les beaux mouchons de laine. En été, ça fait suinter ta pupille. Oh! C'est bon, hein, faire suinter ta pupille, oui. Et je vais vous... Oui, je sais vous appeler, mais je peux pas répondre, public en délire. Je vais vous dire qu'est-ce que vous avez entendu. Les Bray Dealers. Les Bray Dealers. Alors donc, mes chers amis, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Attribuons la place, on l'a dit, voyons donc, à qui? Achale-moi pas avec ça. Ne me turlune-tu-me-bolle. Comment? Turlune-moi, papa. OK. Petit turlune d'amour, quand tu descends la rue, chie avec tes mots par milliers. N'oublie pas ma belle métaphore. Ça, c'est fort. Avant de repartir, il faudra bien que tu me punisses. Là, ici, maintenant, attribuons... Es-tu là, le trémolo, ce soir? Ça demande de la pratique. Et puis? Puis de la pratique. Et puis? Puis de la pratique. Toujours de la pratique. Alors, regarde, je vais te faire un tour de magie. Radiophonique. Oh! Tu m'entends, là? Oui, maintenant? On l'entend plus, hein? C'est de la magie! Là, ici, oh, hey, tu te dépasses, ah oui, je me surpasse, et je, moi aussi, je m'auto-double, tu t'auto-doubles, oui. En fait, je me désincarne, oh, comme l'ongle désincarné, ah, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski, ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors là, c'est ici, là. Excusez-moi, madame. Ouais, tu m'as déchevelu. Oui, excusez-moi. On va placer ça comme ça ici. On va mettre ça comme ça. Et on va prendre l'antre de l'oncle Buck. On va brasser pour montrer que rien dans les mains, rien dans les poches. Tout dans la caniche. Vas-y! Oui. Alors la caniche est là. Je défais la caniche. Et je choisis, voilà! Oh! Okay. Oh non, on dirait qu'il n'est pas très hasardeux, celui-là. On va prendre celui-là, il est moins plié. Il est comme l'arbre, oui, il est un peu moins plié. Alors, donc, première phrase. Là, on ne dira pas le titre, OK? Première phrase, c'est de ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune et la plus jolie. Alors, Cass, c'est C-A-S-S, cette Cass-là. Oh! C'est la Cass de l'amour! Oui, ben, il paraît, là. Moi, il faudrait que j'appelle Charles. Puis, je suis pas certain d'avoir la ligne téléphonique. Oui! Charles, attendez, là. Charles, on peut prendre le téléphone, là. Jean-Luc, je te paye pour appeler au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mon ménage du printemps. Ben oui, ménage du printemps, là. Regarde, ben, glisse ça en dessous de la chaise, là. Fais un petit mouton, justement. OK. Peux-tu m'appeler? Après ça, tu mets un peu de sel, c'est merveilleux. Mais fais pas frire ça parce que ça engraisse. S'il vous plaît, peux-tu m'appeler Charles Bukowski? On va lui demander, là, si c'est Cass, CA2SS, là, elle était vraiment jolie, on va savoir. on est en ligne, là, OK. Charles! Oui! Oh, Charles, comment ça t'étais hésitant? Où étais-tu? Oui! Oui, t'étais là! Mon Charles, c'est là! Charles, on aimerait ça savoir, là, parce que tu nous délibères une phrase, là, qui nous turlupine. C'est ça, je cherchais le mot turlupine. Turlupine, la cervicale, là. Casse, là. CA2SS, il me semble que c'est pas commun. Ben, aux États-Unis d'Amérique, à New York, c'est du couru, ça, là, tout le monde la connaît, Cass. Oui, oui, mais est-ce que c'est un prénom reconnu? Bah, plus reconnu que ça, là, moi, je sais même pas les voir. Oh! Alors, on peut quand même commencer à improviser. On peut faire tout ce que tu veux, mon petit champion. La rondelle est de ton bord, et voici, et surtout, rentre un bon but, là. Les gens attendent ça, là. C'est le moment! Oui, mais là, on va tenter. Alors, de ces cinq sœurs, ben oui, cinq sœurs. Donc, imagine, c'est la dernière. Pauvre enfant. Oh, pauvre enfant, on lui parle là. Ben, elle n'a rien voulu savoir, elle, là. On l'a imposé comme ça. On t'a dit, toi, t'es la première, Georgette, deuxième, Cassandra, puis à la fin, ça finit par Madame Casse. Pendant toute sa vie, elle a voulu faire son prénom, c'est-à-dire se casser à tout jamais de tout ce monde qui riait d'elle. Comment ça? Ben, parce qu'imagine-toi, là, quatre sœurs, là, t'es la cinquième sœur. Toutes les robes ont été passées par les quatre autres, et c'est toi qui es copée de la dernière. Il restait juste un bout de tissu. Oh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'elle a rencontré des gens pour la faire évoluer dans une société afin qu'elle semble la plus normale possible. Oh, monsieur, elle s'est retrouvée à 8h34 dans une radio communautaire avec Alain Gagné. Oui, entre autres. Mais c'est une dame, là, qui a aujourd'hui deux enfants, de 2 et de 12 ans. Puis la madame, elle a 32 ans, Madame Casse. Elle est aussi très jolie. Oh, jolie comme la chanson de, comment elle s'appelle, Alain Barrière. C'est ça, Alain Barrière, elle est aussi jolie. Oui, c'est Alain Barrière, oui, exactement. Aussi belle que tout ça, aussi belle que la chanson. Oh, mon Dieu. Puis là, à un moment donné de son existence, elle a voulu connaître M. Bukowski, et c'est là que le titre est arrivé. Oh! Oh, ça, c'est la lumière au bout du tunnel! Mais non, parce qu'avant de la rencontrer, M. Bukowski, elle était dans un marasme complet. Ah, mais on n'avait pas d'enfant, puis elle était tout seul. Elle pleurait. Ah, oh, elle pleure souvent, surtout vers minuit, là, c'est son heure. Comment ça, quand tu fais noir? Tout ce qui est le côté sombre de notre existence se ramène à nous. Oh, ça c'est vrai, hein? Puis là, on veut les classer, puis là, on n'a plus de classeur, puis là, c'est ça, fait que on met ça en veilleuse, on s'endort en écoutant la TV, puis on oublie la radio! C'est cohérent, la nuit, que ça sert à ça! Hey, t'as entièrement raison. Ça divertit pas, on écoute le gars, puis on dit, monsieur. Quelle chance unique d'avoir cette affaire-là, là. Oh, cette affaire-là, oui, monsieur, est-ce que ça s'arrête de même? Ah, ben, moi, je vois pas d'autre inspiration, là, ça me coupe le sifflet. Arrête donc, coupe-le-là! Ah, bon. La plus jolie fille de la ville. Ça, c'est le titre! Ah, ben, voyons, on avait raison, puis même lui, dans la première phrase, il le mentionne. On est quand même des voyeurs. Non, on est des voyeurs. On a un sixième sens extrêmement aiguisé. Jean-Charles, si tu peux m'aiguiser ça, là, dans la pointe la plus fine de ton crayon plomb, ah ben là, voyons, non, toi. On a oublié le crayon mine, on a tout amené des micros, 250 micros pour le studio de CKRL, on a arrangé avec la console, on a tout ça, mais on a oublié de déguiser la mine. Oh, c'est pour ça que t'en as une mauvaise, ah, très mauvaise, très mauvaise, très mauvaise. Très, très mauvaise, ah, bon. C'est ça, c'est bon, voilà. We'll be right back.

elles vont du virin, elles font ça par instinct. Silhouette, anonyme, up to date, old fashion, étrangère, passagère, jamais je ne saurai qui elles étaient. T'as vu la fille là-bas? Où? Ah, là-bas. Et celle-là, tu l'as vue, celle-là? Ah là, juste en face. Ah ouais? Elle est mignonne, hein? Elle est super canon, tu veux dire? Faut pas exagérer. Si elle ressemble un peu à la Mimi. Bah alors vas-y, attaque, t'empêche-moi. T'es fou, je sais pas danser. Moi, c'est pas grave, t'es pas tout seul. Bah, allez, te plante pas derrière le poteau. Viens, on va au bas. Ouais. T'es permis, t'as comme d'habitude. Affirmatif. Et pour le petit jeune homme là, un lèvres. Non, pas du tout. Hey, il y en a trois qui viennent d'arriver là, regarde, regarde. Ben oui. Ah, vas-y, à toi de jouer comme ta chambre. Bon, petit idée. Maybe I'll break. sais, je dois m'expliquer, là, de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ben oui, mais vous étiez à côté de vos baskets pour Anaïs Kael. À qui? Anaïs Kael. Kael, ben Anaïs! Oh oui, Anaïs Kael! Oui, Kael! Anaïs Kael! As-tu la gargonce? Anaïs Kael! Ben, je tiens à dire aux auditeurs, aux auditrices, qu'à l'origine, oui, je ne devais pas rencontrer Anaïs Kael. OK. Donc, j'ai pas fait mon enquête, ma biographie, j'ai pas fait aucune recherche, j'ai pas pu lire cela à bord de l'avion. Oh! Ouais, parce que j'aimais bien partir avec un bilan des gens que j'allais rencontrer pour me préparer intellectuellement. Oh non, ben ça, je suis pas capable parce que intellectuellement, c'est mort, mon chose. Oh, c'est vrai, c'est très mort. Puis Oui, oui. M'entendez-vous? Non, ça, on n'entend pas. Il y a personne qui entend rire là-dessus. Pourquoi vous avez dit que c'était une humoriste? Ben, à l'origine, là, j'avais lu les commentaires de ses camarades, de ses amis, des gens qu'elle côtoyait, et ça me semblait être une humoriste. Une artiste. Elle aurait voulu être une artiste, et c'en est une. Donc, moi, quand j'ai eu ce renseignement-là par téléphone, que je pouvais la rencontrer, à un endroit quand même assez obscur, puisque je connaissais pas ça, et la demoiselle était enceinte de 9 mois, puis je voulais pas qu'elle accouche devant moi. Oui, ben là! Comment? Ben, je t'habitue! Oh! Vous êtes habitué à... Ah, moi, j'accouche régulièrement d'un enfant à toutes les semaines. Oh! Un petit errant, un petit flatulent, un petit péteux! Oh, on les aime comme ça. Ben oui! Alors donc, moi, je voulais pas accoucher de cette demoiselle, parce que je la connaissais, mais pas tant que ça, là. J'ai dit Anaïs. Elle m'a dit, oui, Anaïs, oui. Est-ce que vous pouvez vous retenir pendant toute notre rencontre qui risque de durer au moins 2 heures? Me retenir, ben faut pas accoucher parce que là, je me vois mal aller à l'hôpital. J'ai d'autres rendez-vous, hein, cette journée-ci, là. C'est mercredi, donc j'ai 4 autres rencontres au Café Charbon, là. Oh, ben ça arrive d'être difficile, j'ai des mini-contractions. Hey! Anaïs, des mini. Tout est mini dans notre vie. Mini moment, minibus, mini contraction. Pouvez-vous minimiser tout ça? Retenez-vous, c'est minimiser. Concentrez-vous sur la discussion. Alors donc, vous êtes comédienne? Non. Vous êtes humoriste? Non. Êtes-vous? Non. Vous êtes dans ma tête? Oui. OK. Belle rencontre, là. Est-ce que je peux changer ma voix, comme d'habitude? Alors, cette semaine, et ça, c'est là, j'ai pas eu peur de placer cet extrait-là. Comme disait Brassens, quand on est con, on est con. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons des avirons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe savoir. Et ça, c'est pas une blague, là. On va montrer ça à la caméra, vous regarderez ça, là, sur l'Internet, sur notre site. Ça, c'est savoir. J'ai pas écrit pendant l'émission, là, vous le voyez, là. Il n'y a pas de tricherie, ici. On montre tout ce qu'il y a à montrer, on cache tout ce qu'il n'y a pas à être démontré. Ben voyons, comme un politicien. Ouf. Alors, c'est le savoir. Quand on sait, on a l'air moins ignorant. Ah, ben ça, c'est fondamentalement vrai, là. Ça vient de vous? Non, ça vient de mon cervelet. Oh, juste en bas des cheveux. Ouais, mais vous en avez des cheveux. Ah, moi, j'en ai... J'en ai eu! J'en veux plus! Ben non, vous en avez. Ah oui, plus que ça, là, c'est ridicule. Oh! Alors vous vous sentez ridicule? Très, très, très, très, très, très ridicule parce que j'en voulais moins à la naissance. Moi. Un peu moins de cuir chevelu puis plus d'intelligence. Oh, mais ça fonctionne pas comme ça, là. Ben là, si on va chez le coiffeur pour s'en faire enlever, on peut-tu aller voir le neurologue pour nous en faire rajouter? Oh, dans votre cas, là, non, ouais. Alors, regarde, ils m'ont passé un scanner. Un qui? Un scanner. On ne comprend pas. Scanner. L'imprimante, là, vous avez une imprimante, vous avez le fax, puis vous avez le scanner. Oh, le scanner. Le scanner, c'est ça que je disais, le scanner? Oui. Vous le prononcez d'une manière... Ben ouais, mais là, vous saisissez pas toute la densité de mon propos. Ben, il n'y a pas de densité, il n'y a rien qui danse. Ça peut pas, c'est mort! Comme votre cheveu, comme mon cheveu, moi. sur la scène, dans la scène, pas sûr, dans. Oh, dans la scène. Et puis là, je me suis dit que c'est pas une bonne idée, il y avait un public en bas. Oh, je pensais la... l'eau, là, l'endroit où il y a de l'eau, là, la scène. Oh, enfant, Paris. Oui, enfant de la Paris. Non, pas celle-là. C'est l'enfant, là. Oui, je comprends, la scène. L'eau, là, là, où il y a de la rigole et où c'est bien marron, là. Ça se marre là-dedans. Oh, mon Dieu, il n'y a pas de canard. Comment ça? Oui, mais la mare, canard. Mare des canards. Oh, mon Dieu. Ok, on laisse ça comme ça. Mais non, on peut pas laisser ça de même. Il faut revisser. Revisser quoi? Ben le propos. Ah oui, c'est vrai. C'est... Tout est calanché. Tout est baveux. Ben oui. On en connaît des baveux. Oh oui, on en connaît des baveux. Alors, plus ça bave, plus... dans mon cas, plus ça bave. Ouais, monsieur. Baver plus que ça, c'est quoi? C'est dégouliner? Oui, ah ben, tu dégoulines? Non, moi, je fais juste baver. Je suis comme le chien, le chien Bernard. Non, c'est le Saint-Bernard. Non, mais le chien... Oui, le chien s'appelle Saint-Bernard. C'est pas le chien Bernard. Ben, voyons donc! Depuis quand c'est le chien Bernard? Attendez, c'est des renseignements intéressants. Ben oui, c'est des renseignements intéressants. À quel niveau? On sait pas... Quand... Ben oui, OK. M'entendez-vous? Oh là, les gens savent plus qu'est-ce que tu veux dire par là, un chien Bernard ou un Saint-Bernard, c'est quoi? Ben, c'est-tu le truc à quatre pattes avec des grosses babines, là? À quelle heure? À 3h du matin. Ah, oh, c'est mon mari! C'est votre mari? Oui, il sort du bar. Lui, quand il sort... Entendez-vous? Oui, on vous entend. Bon, on vous entend plus que ça, là. C'est plus audible, là. C'est crédible. Oh! Ah oui, c'est ça, c'est mon mari à quatre pattes. Il y a des grosses babines? Oui. Est-ce qu'il y a au-dessus des deux babines, est-ce qu'il y a de la bave qui circule? Oui. Ça dégouline? Oui. Ben c'est mon mari! 3h ce matin, c'est son heure où il dégouline, lui, là. On le fait sortir du bar! Lequel? Le bar du désespoir. Oh, ça c'est un beau bar. Le bar du désespoir, personne ne veut connaître ça! C'est tout ce qui se passe là? Tout le monde était quatre pattes. Ben oui, tout le monde était quatre pattes, la bébine vers le bas, là, puis avec de la salive qui coule autour. Hey, monsieur. Bon appétit à tous. Hein? qui bouffe à minuit 54? Plein de monde mange à minuit 54, là. Pas obligé de manger à 18h ou à 20h ou à 15h ou à 12h, là. 1h du matin, c'est une belle heure pour se nourrir et rigoler un bon coup. Ouais, mais c'est ça. Il connaît un bon coup. Fait que lui, il a la bébine à terre. Oui. Il a la mine à terre. Oui. Il a la culotte à terre. La culotte à terre. Ben oui, c'est le quartier des culottes à terre. Oh! Et là, il y a des colocataires qui vérifient. Ah, les colocataires, regarde tout ça. Alors, regarde les culottes à terre. Là, ça vaut 20$. Fait que là, il se prononce, là, puis il dit, bonjour, moi, c'est Gaétan. Oui, Gaétan. Moi, c'est 20$. 20$. Vous avez de la babine, hein? Moi, j'ai de la babine. Oh, mon Dieu, plus de la babine que ça, là. Alors, si vous avez de la babine, mon cher monsieur, 20$. 20$, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire pour 20$? Examinez votre babine. Oh, moi, j'ai la babine basse. Oh, ben, ça se voit, mon cher monsieur. Ça se voit. Miss Killabang. Salope addict, sans vergogne. Sort de sang de Dubarry. Coco. Smith et Wesson. En overdose. Le Kill and Kill. Contre Monet. Il dans le sexe. Je ne connais pas. Dans sa tête de zèle. s'intitule Miss Gilabang. Indécente, ignorant la peur. 16 ans, renard. Petite salope, pénalement infidèle. You kill and kill. Parfois, sans raison. Née d'une liaison incestueuse. Dans sa tête, deux ailes. Elle ne le sait pas. Et bam, on fait les guns de Miss Killa. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Ta cervelle part en fumée. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Je prends hier mon gun. La balle sort du canon scié. Ta cervelle part en fumée. Salut. Bingo. Anecdotique. Okay, ouais, mais amateur, c'est ça que tu veux dire? Hyper amateur, ouais. Okay. Et c'est là que tu as fait tes classes, c'est là que tu as rencontré les musiciens, c'est là que tu as. Non, pas du tout, non. Non, en fait, j'ai joué pendant, 5 ans toute seule en piano-voix. Ok. Et pour cet album-là, je cherchais des gens avec qui bosser, et puis il se trouve que j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Ignatius. Et bon, c'est possible que tu le connaisses parce qu'il a beaucoup roulé sa bosse. Okay. Et lui m'a fait rencontrer plein de musiciens. Mais avant lui, j'avais déjà bossé avec d'autres musiciens. On avait fait des essais, mais ça n'avait pas nécessairement abouti, quoi. Parce que les styles étaient différents. Parce que les styles étaient différents. Oh, tu t'es discuté avec mon accent, non? Parce que c'est toi qui as un accent. Donc bah oui, je. non, mais si tu comprends pas ce que je dis, n'hésite pas. Je comprends. Il n'y a aucun problème. Bon ben, bah, non mais c'est vrai que c'est rigolo là. Je suis pas TV5 donc. T'es arrivé il y a combien de temps en France là? Vendredi, je repasse dans deux dodos. D'accord, bah là, il faut que tu fonctionnes avec les deux dos, avec un enfant. Dans deux dodos. Ok, c'est ça. C'est mignon. Eh oui, mais tu savais pas les dodos? Si. Ok, bon, voilà. Alors dans deux dodos. Dans deux dodos? Ouais, je m'en vais dans deux dodos. Ouais, mais le deuxième dodo, je dormirai pas trop parce que je veux pas le louper mon avion. Donc un dodo et l'autre somnolent. Et puis après, tu vas être bien fatigué après. Ah, mais ça, je suis habitué parce que j'ai plusieurs. J'ai travaillé à CKRL. Ça, c'est le vieux gaminet. Ok, un t-shirt. Ouais. En français, c'est un gaminet. Oh, d'accord. Oui, mais ça, c'est le logo. Oui, on voit qu'il a vécu. Hein. Mais j'en ai un plus beau. C'est pas lui que j'ai mis. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'il m'a reste juste un propre. Ben, il y a lui et l'autre. Ok. Mais je sais que ça paraît loufoque. Mais, non. Non, ok. Mais je trouvais que lui allait bien avec aujourd'hui, mercredi, nombril de la semaine. Donc, c'est magnifique. C'est un concept. C'est très conceptuel. Mais vas-y. Non. Non, c'est juste savoir, là, du coup, t'es habitué sur Paris, là, cette semaine. Enfin, t'es curé. Oui, c'est ça. Tu veux dire, à l'endroit où je fais mes entretiens ou l'endroit où je fais dodo? Tout. Je fais dodo sur dans le coin de Jaurès. Ouais, ben, c'est là où j'habitais avant. Ben voilà, ben écoute, tu prends métro Jaurès, là? Ouais. L'Hostel, H-O-S-T-E-L. Peace and love. Est-ce que tu connais? Non. Ben, je dors là. La dernière chambre, alors je monte 106 marches avec ordinateur et tout ça parce qu'ils n'ont pas d'ascenseur. Mais c'est quoi? C'est une sorte d'auberge de jeunesse? Ben oui, mais encore là, j'ai pensé. On va couper ça au montage parce que je ne veux pas parler de moi. Mais c'est que ben, je fais toujours des montages, je fais toujours. Et donc, il faut avoir moins de 35 ans. D'accord. Mais j'ai plus que 35 ans. Ah non, t'as triché? Ben, j'ai triché, mais oui, j'ai triché à l'origine. C'est pas bien. Bon, ben, t'as jamais triché, toi, là? Non. Ah, non, c'est vrai. mais moi, j'en ai 44. Ah ouais, ouais. Mais tu triches vachement. Oui, oui, mais ça paraît pas. Non, mais ça paraît pas. Alors eux, ils ont un livre, là, un livre d'art, OK, où tu indiques ton nom, ton prénom. Et ton âge. La date de ta naissance et tu indiques le numéro de ton passeport. Et au lieu de mettre 67, qui est la vérité. Bonjour, monsieur. Je vais vous prendre un thé. Un thé? Oui, moi, je vais vous prendre un thé. Copieux. Merci. Ça fait 4 jours. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Merci. Merci. Ça sent bon? Ah ouais? C'est ce que tu as pris tout à l'heure? Mais tu connais le thé à la menthe. T'as déjà bu du thé à la menthe? J'ai jamais bu thé. Je suis pas. C'est vrai? Non. Limonade, thé. Non, limonade, oui. Jus d'orange, oui. Bah, tu... Non, mais tu rigoles. Non, je suis pas un gâté. Café, oui, mais pas thé. Ah, tu vas voir. Je te jure. Non, mais je te crois. Non, okay. Gueuse shampouineuse de mes rêves. Oh ma Lou, oh ma Lou, oh Marie-Lou. Si tu bronches, je te tords le cou. Oh ma Lou, oh ma Lou, oh Marie-Lou. Tiens-toi à Carola, la vie est brève. Oh ma Lou, oh ma Lou, oh Marie-Lou. Un faux pas et te voilà au trou. Oh ma Lou, oh ma Lou, oh Marie-Lou. Tu as mon âme monogame et ma sève. Oh ma Lou, oh ma Lou, oh Marie-Lou. C'est pour toi et un point, c'est tout. Never say just to say, don't say it, bye bye. I'll be on my way, don't say it, just another story. And I'm gonna bye bye. I'm gonna change my mind. Never, never, never, never say bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Just another story. Ça, c'est comme la prolongation des Beatles, hein? Hey, hey, na-na-na-na, na-na-na-na, hey, you, oh, oh, oh, oh, oh, na-na-na-na, na-na-na-na, hey, la chaise craque, hey, mais you, c'est moi, ouais, t'as un point excédentaire, toi, là, t'as-tu payé des dividendes? Oui, j'ai payé des suppléments parce que j'ai un poids improportionnel à mon intelligence. Oh, monsieur, vous avez un gros poids, oui, puis une petite intelligence de rien, juste une petite parcelle. Oh, non, non, non, non, non. C'est quoi le Wallaway? C'est le Wallaway, il faut se donner le Wallaway. Imaginez-vous si on ne donne pas le Wallaway, qu'est-ce qui va arriver? Ça risque d'être. Ça, c'est le retour des vacances. Vous êtes assez carré au 89.1. Ton son, montre ta l'heure à malheur. Ben oui, mais c'est lequel, la pitoune du son? C'est celui-là. Attends, 1, 2, ah oui, c'est bon ça. C'est trop bon. C'est trop fort. C'est trop bon, trop fort. Quand c'est bon, c'est fort. Oh, oh, oh, hey, prenez ça en note, madame. Quand c'est bon, c'est fort. Quand c'est pas bon, c'est pas fort. Hey, il se passe des affaires, là. Regarde-toi la goulotte, toi, là. Non, dit-il en regardant la caméra. Parce que ici, c'est caméraman et puis musicalité, radiophonicité. Radiophonicité, entre guillemets. Parce que si tu places en guillemets, tu as le droit de tout dire. Moi, mon émission, là, si vous ne saviez pas, là, placée en tout début, quand mon ami, ton oreille a soif, ça dépend qui a plus soif que l'autre. Là, mais normalement, c'est monsieur. Monsieur qui? Monsieur. Monsieur Finger. Monsieur Finger. As-tu le? Monsieur Finger, love you through all my dreams fulfilled. Quand Monsieur Finger, là. Qu'est-ce que tu veux dire, Monsieur Finger? Oh, c'est bon. Le moment s'invite à nous, on baisse un peu, là. Hein? On baisse. Oui, merci. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer. Oh! Allons planer! Oui, monsieur. Allons planer. Si on a le droit, monsieur la police, attendez, la police, avons le droit de planer? Ça dépend, là. Faut pas aller vers le vieux Québec. Comment ça? C'est tellement vieux que ça va s'égrainer. Oh! Le vieux Québec s'égraine, ça s'égraine. Oh mon, c'est comme des ponts. Les ponts s'égrainent. Les ponts s'égrainent, le vieux Québec s'égraine. Qui s'égraine? Comment? Qui s'égraine? Ben, toutes les graines s'égrènent! Le vieux Québec est une graine! Les ponts sont des graines! Ben oui, mais à la base, là, c'est toutes des molécules. Les molécules sont des graines! Ben, j'espère que t'apprends pas ça. J'apprends ça à l'instant, moi, là. Mon cerveau se met à... ouvert! OK, ouvre pas trop, là. Ben non, mais ouvre pas trop. Comment ça, ouvre pas trop? J'ai pas dit ouvre pas trop, j'ai dit ouvre pas trop. Oh! Ouvre pas trop, ouvre pas trop! Et ouvre pas trop, et ouvre pas trop, je voulais se marier. Et ouvre pas trop, et ouvre pas trop, je voulais se déterminer. Ils voulaient déterminer leur âge. Et le juge les a retracés. Oh! Et puis c'est allé, chut! Alors, le moment s'invite à nous! Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Rien! Rien. Le moment s'invite à quoi? Presque rien. Trois gouttelettes de rien. Oh! Alors ça, c'est comme votre sauce à spaghetti, Mme Tremblay. Ah, oh, mais moi! Excusez-moi! J'avais goûté une petite morceau, un petit morceau, un moineau de steak haché. Oui, comment? Un moineau de steak haché. Oui. Il m'a chuté dans la gorge. Oh! Il s'est échu dans mes deux cordes vocales. Je me sens étrange. Ben, comme d'habitude. Très, très, ouais, ben moi, l'habitude, c'est de me sentir dans ma sauce. Oui. Puis là, comme la garnotte s'est placée entre mes deux, ouais, je me sens comme étrange. Oh. Hey, toutes nos ondes sont présentement sur monsieur Claude, un chauffeur de taxi qui m'a appris son cancer. Là. Tout est... On gravite autour de vous, monsieur. On prie. Et si vous voulez, envoyez des ondes. Là. OK? Envoyez des ondes. On envoie maintenant des ondes. OK? Ah, on envoie des ondes pour Claude. Ah, chauffeur de taxi. Ah, voilà, Claude. Le 51. Le 51? Le 51. De quelle compagnie? 51 de toutes les compagnies. OK. Le moment s'invite, il va me tuer. Non, mais il m'a fait son amitié. Oui. Le moment s'invite à nous pour un élan des Nadiens. Mais, non, je prends mon clou. Le moment s'invite à nous. Hey, c'est un moment de tendresse. Un moment de tendresse nous amène l'amour. Le moment s'invite à nous pour un élan vénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Oh, c'est long à lire, ça là, c'est très long. Et c'est mal écrit. Ouais, c'est pas la calculette. Oh! Comment ça, ta dactylo a rendu l'âme? Oh, oui, monsieur. Même sans nous, elle marque des tours sans notre passé aujourd'hui en tracé. Comment ça, là? On peut recommencer? On peut recommencer, mais une seule fois. Pas trois, une seule fois. Donc, c'est la deuxième et la dernière chance. Oh! C'est le couperet avant la chanson. Si tu m'offres tout ça et tu peux pas improviser là-dessus, on coupe puis on place ta chanson. Oh! Public, priez pour moi! Je vous salue, ben oui, mais là, c'est normal, vous êtes aéros, c'est le diable. Même sans nous, elle marque des tours. Sans notre passé, aujourd'hui entassé dans l'oubli. L'oubli de tout, l'oubli de rien, l'oublier d'amener ma tartine de beurre d'arrache-pied. C'est d'arracher. Mmh. J'ai oublié de te dire bonjour en entrant ici comme un imbécile, oui. J'ai oublié de siffler après la police pour dire « Hey, police, ça va bien? » Là, la police a retourné. Elle s'est retournée. Elle a passé vers moi, puis elle m'a dit... Ouais. Bon, vous, moi c'est Rénal. Ouais, moi c'est la police. Oui, la police. Ça va bien, la police? Tu nous as appelé? Ben, on t'a pas appelé. Non, c'est on. Je sais pas. Moi oui, là, mais... C'est drôle! Ben oui, mais c'est ça. C'est pas moi, c'est lui qui a crié, là. C'est qui? C'est ma bouche. Ouais, mais vous? Vous quoi? Ben, vous faites partie de votre bouche. Oh, ben là, je sais pas. Est-ce que je fais partie de ma bouche? Est-ce qu'on peut aller voir un juge? Monsieur? Oui! Vous nous avez importuné pour rien. Monsieur, mais voyons, non, importuné pour rien, vous voulez dire bonjour la police! Ben oui. Oui! On était sur une affaire de quoi? Une affaire. Quelle affaire? L'affaire, cette affaire, oh! Et puis l'affaire va bien? L'affaire va très bien. Ah, mon Dieu, ça fait 2 mois qu'on est sur l'affaire, là, puis on l'adore là. Il y a Georgette qui l'a nourrie au sein. Qui? L'affaire, oh! L'affaire au sein, ah, oh, mon, c'est merveilleux. Elle prolifie. Qu'est-ce qui prolifie? Ben l'affaire prolifie. Puis là, on a envoyé des enquêteurs. Oh, je pensais des incantateurs et des enquêteurs là-dessus. Et puis, L'affaire va bien, l'affaire tourne de son lot. Tourne de son lot! On dit ça dans le milieu. Quel milieu? Ben, le milieu de la police. Le lot! Quel lot? Le lot! On peut pas tout vous divulguer, là! Vous êtes un citoyen! Excusez-moi, madame, monsieur la police, là, mais je suis un citoyen dans la communication. Monsieur la communication, ben, je parle, je communique. Ah, c'est vrai, vous êtes pas dans le commun. C'est pas le commun, moi, là. Êtes-vous mortel? Ah, mon dos. M'appelez, Ben oui, mais êtes-vous mortel? Si vous êtes étrange, vous êtes mortel. Ben là, si vous bouffez pas de mortadelle avant 2 semaines, parce qu'il paraît que la mortadelle, l'été, c'est mortel. Ah, bon, dans le sens que c'est tellement bon que vous prenez votre baguette, votre pain, OK? Dis quelle baguette, toi, là, on va couper n'importe quelle baguette. Là, les hôpitaux vont être remplis dans les urgences. Mais je coupais la baguette, ah, mon Dieu, le gars l'a pas dit que c'était le pain. Non, le pain baguette. Le pain baguette, parce que c'est une redondance, hein, le pain baguette, parce que normalement, quand c'est une baguette, c'est un pain. Ben oui! Ben oui! Quand c'est un con, c'est un con! Ben oui, un con, c'est un con. Un pain, c'est une baguette. OK! Alors, une baguette, c'est-tu un con? À mon avis, non, là, mais tout peut exister. OK! Alors donc, votre pain baguette! Oui, c'est ça, vous mettez ça là-dessus avec, comme je disais, la morticus, la morellus, la mordicus, pas l'eau, la malus, la luce, la malus. If you close your eyes, close your eyes. In sleep, I've been creeping your dreams. Lucy seems a fact and fiction. Reality dreams and kicks in your nightmares. His bearing your worst fears. Feed on your burst tears. You grieve for your first years, for I appeared. In your room where your parents resting, and deep in your gloom by keeping you guessing which shadow I was hiding in, trying to find me with night lights. Insisted to your friends that I exist, they like bright. Then you would dip into bed, pull your covers up, double up comforter, body crumpled up. Lay there with your eyes shut, wide awake, fighting tired. I was wired, I would just wait. See, I'm the type of thing that lives on many levels, further off from the notion of ghost monsters and devils. Certainly I'm worse than all the other things combined, cause I can speak into your mind and make you sick from deep inside if you just close your eyes. If you close your eyes, you can find me in your sleep, and I am in your dreams as we sleep. You can't run, you can't hide, don't try. If you close your eyes, I'm the frequency you hear when evil's creeping near. I bleed into your ears, from there I leak into your sphere. Don't bring a deacon here, priest or minister. Couldn't administer help, I'm undefeated like the store itself. I can make you do things, loot acts to Kodak. Pictures of torture victims in some sick positions. Lack remorse for recourse, believe loss when people are wasted. I kill on frequent occasions, you can't get rid of me. Rudely or hospitably, drilling your brain has an epiphany. I'll still reign, still claiming your soul. The worst demons couldn't burn me on a stake in the cold. I'm the fork in your road in your mind, with a cloak all black. Breathing brimstone into your eyes until you fall back. Caesar's in your REM state, dreaming of committing things that inmates would shake off at the thought of them. Then wake and be performing. If you close your eyes, you can find me in your sleep, and I am in your dreams as we sleep. You can't run, you can't hide, don't try it. You close your eyes and find me in your sleep, and I am in your dreams as we sleep. You can't run, you can't hide, don't try it.

Sur les quais de la Seine, j'ai rencontré Marlène. Sa mère avait 20 ans, il y a de ça longtemps. En plein bombardement, elle a trouvé le temps de porter un enfant sous le nez des Allemands. Lily Marlène, ta destinée rencontre la mienne. Garde tes airs de parisienne. Sèche tes larmes, oublie la pluie. Je t'emmène aux États-Unis. Tu seras bientôt américaine. Son père a résisté, il s'est fait fusiller en sortant d'un café sur les Champs-Élysées. Marlène, depuis ce temps, n'a eu que sa maman pour se faire raconter le prix de la liberté. Lily Marlène, ta destinée rencontre la mienne. Garde tes airs de parisienne. Sèche tes larmes, oublie la pluie. Je t'emmène aux États-Unis. Tu seras bientôt américaine. Sur les quais de la Seine, j'ai rencontré Marlène. Sa mère avait 20 ans, il y a de ça longtemps. En plein bombardement, elle a trouvé le temps de porter un enfant sous le nez des Allemands. Pas Lily Marlène, ta destinée rencontre la mienne. Garde tes airs de parisienne. Sèche tes larmes, oublie la pluie. Je t'emmène aux États-Unis. Tu seras bientôt américaine. C'est merveilleux, bravo à tous nos techniciens. Mais voilà, c'était pas grand chose, c'était de changer la pils. Oh, c'est vrai. J'appelle. La pils est très importante. L'important, c'est la pils, l'important. Oui, ok. J'appelle le téléphone. Pour ce numéro d'improvisation, utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Notre ami M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, rejoignons la hiérarchie. On appelle la hiérarchie. As-tu le numéro de téléphone de la hiérarchie? Oui, c'est le 88. Ok, on ne peut pas dire ça. On appelle. Allô, ça sonne, entends-tu? Oui. Les gens ne peuvent pas savoir. Non. La hiérarchie, ça va? Oui! Ok, ben écoutez, c'est Renan des Rances Rénaldiennes, la radio communautaire. Oui. Attendez, la radio communautaire à Québec. Oui. Ça va bien? Ça... Oui. Bon, tout va bien. Madame la hiérarchie, vous êtes une dame? Oui! Ouais, parce qu'on savait pas le sexe, hein? Monsieur Tremblay, ben nous autres, on était hésitants. Excuse-moi, c'est moi la police du sens, là. On était hésitants à savoir si c'était une hiérarchie. Mais c'est une hiérarchie, n'est-ce pas? Prenez-moi de lui. Bonjour, madame. Vous êtes la hiérarchie? Oui. OK. Alors, à travers tout votre stratagème là, de nivellation, là, qu'est-ce qu'a sert la stratégie de la hiérarchie là? Est-ce que c'est de reconnaître l'individu au sommet de sa gloire? Mais moi, j'ai souvent cette fâcheuse expression qui dit que la hiérarchie sert à valoriser le minable. Est-ce que j'ai raison? OK, alors, plus on est en haut de la hiérarchie, plus on se vante d'être en haut de la hiérarchie, plus on est... c'est ça, hein? Vous êtes... la hiérarchie, vous êtes hiérarchisé depuis combien d'années? Oui, quoi? 20 ans? Non, 22 ans, 22 ans et demi, hein? 22 ans et demi? OK. Alors, en 22 ans et demi, là, vous en avez vu des cons. Brassens, est-ce qu'il s'est expiré et inspiré de votre vision? Ouais. À travers tout ça, comment vous en sortez indemne, là? On vous amène souvent cette interpellation-là que, malheureusement, la hiérarchie, c'est quelque chose de pas si valorisant que ça. Avez-vous compris ma question? OK, est-ce que je peux aller plus loin? Bon, ça va bien, j'en ai! L'arrière-âge de mon intelligence, elle peut jamais revenir. Elle peut jamais revenir. Non, jamais. Jamais quoi? À plus jamais je le retrouverai. Si un jour je la retrouve, je te dirai que ce n'est point volé. La hiérarchie, tu es ici parmi nous. Bon, c'est bien. On s'est envolé, mais ça vous dérange pas, vous? Vous êtes en haut, hein? Plus en haut que nous? Êtes-vous plus en haut que le sommet, que les nuages et que le ciel? Ouais, mais là, les gens, ce soir, là, il est 1h46 du matin. Bientôt 47. Et là, sans doute que 3-4 personnes se demandent où se trouve le sommet, le zénith de la hiérarchie. Hey! Est-ce que c'est plus haut que la hauteur qu'on s'imagine dans notre société contemporaine? Vous-même, là, entre hiérarchisés, arrivez-vous à vous cataloguer à quel sommet vous êtes rendu? Mais là, vous pouvez pas en parler sur les ondes, hein? Oui, vous pouvez en parler sur les ondes. OK. Vous êtes plus haut que quoi? Plus haut que tous les génies? Écoutez, on va s'arrêter ici parce que nous vivons un moment d'émotion, puis que la hiérarchie cherche à nous infantiliser, sans doute, comme la télévision cherche à nous infantiliser, comme les médias en général, les journaux cherchent à nous infantiliser. La mer qu'on va voguer le long les gars. Hey, la hiérarchie, est-ce que la mer vous intéresse? Mer et mer, là, pas la mer et mer. OK. Êtes-vous toujours sur le oui, vous? Bon, ben c'est positif, bravo, hein? Et puis, on remercie la hiérarchie d'avoir passé quelques minutes à Errance Rénaldienne. On sait pas comment... est-ce qu'on peut vous dire un mot de cambronne? OK. Alors, notre mot de cambronne, madame la hiérarchie, c'est... C'est maintenant que l'on va se quitter. Oui, on va se quitter, mais... La dernière pièce que vous allez entendre, c'est de Anaïs Kael. Toute la nomenclature de notre rencontre se termine maintenant avec elle, Anaïs Kael. Ha, Anaïs Kael, ha, Anaïs Kael. Merci aux auditeurs et auditrices de CKRL qui nous ont écoutés en direct! Est-ce que c'est du direct, madame? Ben ouais, mais c'est du direct truqué, hein? On a truqué ça. On aime ça truquer, nous, hein, CKRL. Non, pas CKRL! À Errance Rénaldienne, CKRL n'aime pas truquer. C'est des gens qui sont